通科の渡良瀬純です。見ての通り普通の女の子です。 ハムシャカさん、魔法科だから知らないと思うけど本当は男の子なのよ。 Il y a de la confusion quand les gens me regardent. J'ai pas l'air d'un garçon et je suis plutôt bavarde. Je préfère porter des robes, c'est plus mignon. Je me suis percé les lobes sous mes bûches mauvais longs, mais je suis un mec. Tout le monde sait que je suis un mec. Si tu me trouves belle comme une étoile, tu serais surpris de me voir à poil. Tous les mecs me courent après, je suis l'idole du bahut. Mais je ne fais pas exprès, je suis souvent confondu. Les filles me laissent froid, je ne suis pas trop Yuri. Des trappes, je suis le roi, et forcément yaoi, car je suis un mec. Tout le monde sait que je suis un mec. Même si je suis douce comme de la ouate, j'ai un drôle de truc entre les pattes. Je ne fais pas de magie, j'ai qu'un rôle à la con. J'ai été mal servi dans ce quartier nom de nom. Mais quand mes potes ont besoin d'aide, je sais bien faire la nique. Quand tout va de travers, avec mon Patriot Missile Kick, et je suis un mec. Tout le monde sait que je suis un mec. Il ne faut pas que tu sois dupe. J'ai un sgeg caché sous ma jupe. お前と恋人になった覚えはない。っていうかお前正真正銘の男だろうが。なのにそんな格好して。 いや、だって私